Chapitre 22. Rajeunir les rangs. 28 avril, 22 décembre 2014. Janice Davenport avait posé ses vacances à la suite du congé de 3 semaines qui lui avait été octroyé pour qu'elle se remette de la désarticulation grave qu'elle avait subie lors de l'attentat déjoué du match de Quidditch. Le lundi de son retour, elle se rendit directement dans la pièce que Harry partageait avec son adjoint. Après avoir salué ses 2 chefs, elle posa un papier sur le bureau du commandant des Aurores. « Qu'est-ce que c'est ?» s'inquiéta Harry, alerté par la physionomie grave de sa collègue. « Ma démission, » répondit-elle tranquillement. « Je me suis rendu compte que j'étais fatiguée. Cela fait plus de 30 ans que je suis Aurore. J'ai envie de profiter de la fin de ma vie. » « Tu n'es pas obligé d'aller sur le terrain si tu ne le souhaites pas, » contra Harry. « Ton expérience nous sera précieuse, même si tu décides d'opter pour un poste moins exposé. » Il regarda en direction de Stanislas, qui avait réussi sa reconversion après l'épreuve qui l'avait fortement handicapé. « Harry, j'ai l'intention de vivre en France désormais. Pierre et moi allons nous marier. Nous en avons assez de vivre séparés. »« Vous mariez ? Mais je croyais qu'il... » Par discrétion, Harry ne répéta pas la confidence que lui avait faite Janice plusieurs années auparavant sur le statut marital de son amoureux. « Il est divorcé maintenant, » lui apprit-elle. « Et lui aussi va présenter sa démission. Nous allons ouvrir un centre de formation au duel. Nous y recevrons les sportifs et ceux que le ministère de la magie français voudra faire entraîner, ses chasseurs ou ses policiers. Tu pourras m'envoyer tes aspirants si tu veux, » sourit-elle. « Nous aurons enfin des heures de travail régulières et nous nous retrouverons tous les 2 chaque soir sans garde la nuit. C'est ce que nous souhaitons. » Harry chercha encore quelques arguments pour retenir un de ses meilleurs éléments, mais n'en trouva pas. Après tout, Janice n'avait-elle pas assez donné pour la communauté ? Il comprenait qu'elle veuille passer la main. « Il ne me reste donc qu'à vous offrir mes félicitations pour votre prochain mariage et tous mes vœux de réussite pour votre nouvelle entreprise. » dit-il finalement. « Merci, Harry. » Stanislas s'empressa à son tour de la féliciter. « Où allez-vous habiter ? » s'enquit-il ensuite. « On a commencé à chercher une maison au Pays Basque avec une grande remise qui servirait de gymnase. J'aimerais habiter pas trop loin d'un village moldu, mais assez à l'écart pour que des arrivées par transplanage soient possibles. La voiture cheminée, c'est aussi un moyen de transport très commode et très discret, » commenta Harry, en pensant aux faux véhicules installés près de chez Ron et Hermione, qui leur servaient de point de départ et d'arrivée. « On y pensera !» Janice passa ensuite dans le QG pour dire au revoir à ses anciens collègues. Comme son absence avait duré 1 mois, Harry avait déjà redistribué les dossiers qu'elle avait en cours. Augustin Dolohov, qu'elle avait formé, travaillait maintenant avec Albert Hertz et Owen Harper sur les réseaux clandestins. Cela faisait maintenant 10 ans qu'Augustin était entré chez les Aurores. Aucun de ses collègues ne l'appelait par son patronyme désormais. Quand il se présentait sous son nom de famille dans le cadre d'une enquête, il assumait sans ciller les regards ou réflexions que cela suscitait et savait rapidement rappeler la raison de sa présence. Il était maintenant marié et père d'un petit garçon. Il avait épousé une sorcière issue de Moldu qui était de 2 ans sa cadette. Entré dans le monde magique après la fin de la guerre, le poids du nom Mangemort avait eu peu d'influence sur elle. La jeune femme avait cependant rapidement compris qu'il n'était pas neutre, mais avait accepté de le porter par attachement pour Augustin. Son mari lui en était très reconnaissant. « Ça va faire drôle sans Janice, » fit remarquer Harry à Stanislas. « D'autres départs sont à prévoir, » répondit son adjoint. « Muldoon et Ogden ne sont plus de première jeunesse. » Hipworth et Hertz non plus. Moi aussi, j'envisagerais sérieusement la retraite si tu ne m'avais pas offert une place ne demandant pas d'efforts physiques et ayant pratiquement des horaires de bureau. Se débarrasser de Muldoon, avec qui il ne s'entendait pas, n'ennuyait pas vraiment Harry. Mais si 4 seniors qui approchaient de la 60aine partaient dans un délai rapproché, cela créerait un vide long à combler. On prévient Poudlard que nous ouvrons des postes ? Proposa-t-il à Pritchard. « Ce serait sage, en effet. Il reste encore 2 mois d'école et 2 mois de vacances avant la rentrée de septembre. Cela devrait suffire pour donner aux gamins le temps de la réflexion. » « deux semaines avant que les vacances d'été ne ramènent Teddy et Victoire de Poudlard, le sort s'abattit sur Neuville-Londubat. Après le décès de sa mère, prise de langueur un an auparavant, son père échappa à la vigilance du personnel infirmier et sortit dans la rue. Il n'alla pas loin et fut récupéré dans l'heure. Mais les années passées sans sortir l'avaient fragilisé, et malgré la douceur relative du mois de juin, il attrapa une pneumonie qui l'emporta en une semaine. En apprenant la nouvelle, Augusta, la grand-mère de Neuville, s'effondra. Elle décéda 3 jours plus tard, sans avoir repris connaissance. C'est avec beaucoup de tristesse et d'inquiétude pour son camarade que Harry se rendit aux 2 enterrements consécutifs. Il imaginait le désarroi de son ancien condisciple, mais se sentait impuissant à alléger sa peine et son sentiment d'abandon. La professeure McGonagall abandonna ses élèves en train de passer leurs examens de fin d'année pour porter un dernier hommage à son ami de classe. À la demande de Neuville, elle fit l'homélie funèbre, car elle était celle qui la connaissait depuis le plus longtemps. Elle parla de la jeune fille pleine de rêves, de son mariage malheureusement interrompu par son veuvage précoce, de la perte de son fils et de tout l'amour qu'elle avait reporté sur son petit-fils. Elle décrivit l'immense tendresse qu'elle avait eue pour Neuville, qu'elle cachait sous des paroles bourrues comme si elle avait eu peur, en avouant ses sentiments, d'attirer sur lui le malheur qui avait déjà durement frappé les Londubat. Beaucoup de monde était venu aux 2 enterrements. Si les premières années de Neuville à Poudlard avaient été solitaires, sa pugnacité à Poudlard durant l'année des ténèbres l'avait révélé, et il avait ensuite gardé le contact avec un certain nombre de ses condisciples de l'époque. Il était également très apprécié de ses collègues herboristes qui fleurirent à profusion la tombe des disparus. Il pouvait enfin puiser du réconfort auprès de son épouse Anna et leurs 2 enfants qui avaient 4 et 6 ans. « Je suis en train de réaliser que mon travail pour la Coupe du Monde de Quidditch va me faire rater les 2 mois d'été chez mes parents », soupira Ginny alors qu'ils rentraient chez eux. « Ils vont bien et seront encore là à ton retour », tenta de l'apaiser Harry. « Mais au fait, pourquoi nous ne te rejoindrions pas? Je suis certain que les garçons seraient contents de voir un match de Coupe du Monde. C'est une excellente idée, mon chéri !» Finalement, une bonne partie de la famille se rendrait en Amérique du Sud. D'autres décidèrent de rester en Angleterre. Arthur, qui se fatiguait vite désormais, ne souhaita pas entreprendre le voyage et Molly n'en voyait pas l'intérêt. Il fallait en outre s'occuper des enfants qui avaient été jugés trop jeunes pour profiter du voyage. Fleur et Andromeda restèrent également. Elles devaient s'occuper du musée de la magie qui recevait la plus grande partie de ses visites durant les grandes vacances. Bill aurait bien fait le déplacement, mais il avait signé pour un travail qui lui prendrait tout l'été et ne pouvait se permettre de mécontenter un client. Il y aura des retransmissions par Pansine avec seulement 1 quart d'heure de décalage, tenta de le consoler Ron quelques jours après le départ de Ginny et 2 semaines avant que le reste de la famille n'aille la rejoindre. Comment est-ce possible ? S'étonna Andromeda. Les journalistes chargés de retransmettre leurs souvenirs vont travailler par 3. Se remplaçant toutes les 30 minutes environ. Pendant que l'un regarde, les autres transmettent leurs souvenirs avec leurs commentaires, et la pancine est expédiée dans le pays pour lequel il travaille par porte au loin internationale. Le temps qu'on regarde la séquence, la suivante arrive à son tour. C'est pratiquement comme si on y assistait en direct. Si tous ceux qui n'ont pas pu aller en Patagonie veulent voir le match, vous allez avoir du monde, commenta Harry. On peut dupliquer le contenu des pancines, ce qui permet de prévoir plusieurs lieux de retransmission simultanés, lui apprit George. 5 pour les premiers matchs, 10 à partir des quarts de finale, et 20 pour la finale si on est qualifié. C'est extraordinaire, s'extasia Molly. Je vous y emmènerai, promit Bill aux enfants déçus de ne pas faire partie du voyage. Des nouvelles de Ginny? Demanda Fleur à Harry. Elle est bien arrivée et devrait publier ses premières interviews à partir de demain. Elle a déjà vu Victor Crum, qui est toujours attrapeur pour la Bulgarie. « C'est super! Tu pourras le voir quand tu iras. J'y compte bien. » Le début de l'été s'était écoulé tranquillement. Il n'y avait pas eu de grosses affaires au bureau des Aurores, ce qui avait permis à Harry de travailler modérément et d'accorder des congés à ses subordonnés. Avec Stanislas, il avait épluché la quinzaine de candidatures qu'ils avaient reçues. Ils n'avaient finalement pas limité leur recrutement à Poudlard, mais avaient fait paraître dans la Gazette du Sorcier une petite annonce invitant ceux qui auraient voulu se présenter les années précédentes à le faire. Souhaitant rajeunir leur rang, ils avaient cependant limité leur offre aux sorciers âgés de 18 à 26 ans. La semaine qui précéda le départ de Harry, ils reçurent les 10 candidats dont ils avaient retenu le dossier. 3 venaient de Poudlard, 3 appartenaient au service de police magique, et 2 autres étaient briseurs de sorts. Il y avait également un apprenti médicomage et un homme qui semblait revenir d'un long périple autour du monde. Pour l'entretien de motivation, Harry s'adjoignit l'aide de Stanislas et de Primrose Duckworth. Il avait hésité entre elle et une aurore de la nouvelle génération, Alicia ou Angelina, mais avait finalement opté pour l'expérience. Primrose s'était bien adaptée aux nouvelles procédures et avait très bien formé les aspirants qu'on lui avait confiés. Les 3 plus jeunes, qui venaient de passer leurs aspics, avaient de la fonction d'aurore une vision très romantique, remplie de tracts et de duels. Harry leur parla des preuves, de la paperasse et des méthodes d'investigation. Un seul sut s'adapter au discours qu'on lui tenait et poser des questions pertinentes. Harry connaissait les 3 policiers qui étaient des fidèles des entraînements du samedi matin. 2 étaient assez vifs et maîtres de leurs nerfs pour recevoir les formations particulières de combat contre la magie noire réservées aux aurores. Celle qui venait de terminer une formation en médicomagie plaida sa cause avec passion, indiquant qu'être aurore avait toujours été sa vocation, mais que, faute de poste l'année où elle était sortie de Poudlard, elle avait choisi une autre voie. Le globe-trotteur leur sembla intéressant par sa curiosité d'esprit et son ingéniosité. Il avait vécu plusieurs mois parmi les moldus sans baguette, pour voir comment ils arrivaient à se débrouiller. Il avait tout au long de son périple logé chez l'habitant, gagnant sur place de quoi se nourrir, s'abriter et payer les moyens de transport qu'il utilisait pour se rendre d'un pays à l'autre. Traverser des contrées ravagées par la guerre lui avait donné envie de se battre aux côtés des aurores. Les 3 briseurs de sorts avaient bien entendu les connaissances magiques adéquates, mais Harry, qui requérait parfois les services de leur profession, savait que leur travail se caractérisait par beaucoup d'autonomie et d'expertise. Or, il avait besoin de personnes sachant travailler de concert et de fins psychologues. Les 3 aurores les interrogèrent en tentant de déterminer s'ils sauraient s'adapter aux exigences de la brigade. Après avoir éliminé les 2 jeunes sortants de Poudlard qui leur avaient semblé trop insouciants, 2 des briseurs de sorts qui, à leur avis, ne feraient pas l'affaire, et le policier qui ne suivrait pas le rythme, il leur restait 6 choix possibles, alors qu'ils n'avaient prévu que 4 places. « On peut en prendre 1 ou 2 de plus », proposa Harry. « Outre que nous n'avons négocié que 4 postes avec le Trésor, il vaut mieux échelonner nos recrutements et prendre un petit jeune d'ici quelques années », opposa Pritchard. « Avant d'intégrer 2 policiers, il faudrait en évaluer les conséquences », ajouta Primrose. « Potter, tu n'aimerais pas qu'on te débauche un de tes hommes après que tu l'as formé ? Le commandant Watchcover ne va pas apprécier. » « Elle a raison. Si on laisse entendre qu'on fait notre marché chez les jeunes de la police, certains vont aller s'y engager dans l'attente qu'on ouvre un poste. Et cela risque d'entraîner pas mal de frustration de leur côté et de tension avec Watchcover », développa l'adjoint de Harry. « Vous voulez qu'on décide de ne prendre personne de la police magique alors qu'on vient juste de décider d'ouvrir les recrutements à tous ?» questionna Harry. « Revient-on à l'ancienne procédure qui nous limite à ceux qui sortent de Poudlard ?»« On n'aurait qu'un candidat potable cette année », rappela Primrose. « Effectivement », approuva Harry. « Donc, on prend tous les corps de métier, sans exception pour les policiers. » « Dans ce cas-là, limitons-nous à Ilena Rastrick », suggéra Stanislas. « Elle a 26 ans et 8 ans de service dans la police magique. S'il faut attendre 8 ans pour espérer avoir une petite chance d'être pris par les aurores, ce ne pourra pas être considéré comme un plan de carrière valable par des genoux de 18 ans. On pourra faire valoir ça à Watchover. » « On peut lui dire qu'on a 3 candidatures, sans dévoiler leur nom, et qu'on a bien envie de les accepter », réfléchit Harry. « Une fois qu'il aura changé de couleur, on indiquera qu'on ne veut pas le dépouiller et qu'on se limite à une seule personne, et pas la plus jeune pour ne pas donner l'impression que la police magique est un stage pour devenir aurore. » « Bonne tactique, mais cela ne va pas l'empêcher de demander une contrepartie », prévint Pritchard. « Logique. On lui renverra l'ascenseur d'une manière ou d'une autre », décida Harry. « Tout le monde est d'accord pour Rastrick ?»« Elle est excellente en duel, grâce à sa bonne appréciation des situations et capacités tactiques. C'est une très bonne enquêtrice, et elle fera un très bon aurore, approuva Primrose. Entendu, accepta Stanislas. La médicomage ? Elle sera précieuse pour les premiers examens sur cadavres, soutint Harry. Et pourra nous traduire certains rapports un peu techniques sur lesquels on est obligé de demander des explications à Sainte-Mangouste. Il y a quand même un truc qui me chiffonne, avoua Primrose. Guérir ou envoyer des sorts paralysants pour arrêter une personne, ce n'est pas vraiment la même démarche. N'est-ce pas antinomique de passer d'un poste à l'autre comme ça ? Blesser n'est pas notre but, remarqua Stanislas. On ne le fait que quand on n'a pas le choix. Protéger est notre ambition, ce qui n'est pas si loin de la guérison. La médicomagie n'est pas toujours tendre non plus. Ils luttent contre la mort, combattent la maladie, désensorcellent, constatent des maltraitances. Je pense que, d'un point de vue psychologique, c'est assez proche, sans compter les horaires tordus et les heures de garde. Vu comme ça, reconnut Primrose. Je retire mon opposition. C'est bon pour moi, accepta Harry. Le voyageur ? Je sais que tu as des réserves pour les briseurs de sorts, mais lui, je le vois encore moins faire de la paperasserie et rendre compte de ses initiatives, recommença Primrose. Et, sans vouloir critiquer, avec la nouvelle loi judiciaire, on passe pas mal de temps à ça. Je ne peux pas dire le contraire, reconnut Harry. Par contre, j'ai bien envie de l'adresser à Fawcett, intervint Pritchard. Pour les enquêtes internationales, il fera un bon observateur, sachant se fondre dans le décor, quel que soit le pays où on l'enverra. Par l'intermédiaire de Stanislas qui lui envoyait chaque mois des rapports, Harry avait de temps en temps des nouvelles de Dave Fawcett, leur ancien commandant, qui avait rejoint la Confédération internationale des aurores. Il trouva l'idée excellente. « Oui, tu as raison, ses capacités y seront bien mieux utilisées. C'est un gars sur lequel on peut compter pour être autonome pendant plusieurs semaines et revenir avec une tonne d'informations. »« Bien, donc il ne nous reste plus que le briseur de sorts, » continua Stanislas. « Moi, il m'a convaincu. »« Je l'ai trouvé pas mal non plus, » ajouta Primrose. « Je m'en remets à votre jugement, » décida Harry. « Parfait, » conclut Primrose. « Donc, je récapitule. On a deux filles et deux gars, entre 18 et 26 ans, venant tous d'horizons différents. Ça me paraît pas mal. Plus qu'à envoyer les lettres, négocier avec Watchover et recommander notre globe-trotteur à Fawcett, » compléta Harry. « Tout devrait être réglé quand tu rentreras d'Amérique du Sud. » sourit Pritchard. Harry revint la dernière semaine d'août. Il fit le point sur toutes les enquêtes en cours, prépara les plannings pour la rentrée et la réorganisation des binômes en vue de l'intégration de leurs quatre nouveaux aspirants. Avec Stanislas, ils avaient décidé de choisir les mentors dans la génération des aurores entrés en même temps que Harry, plutôt que de choisir les aurores les plus âgées. C'est ainsi que Owen, Simus, Alicia et Angelina devinrent aurores formateurs. Harry les convoqua individuellement pour leur faire part de leur promotion et s'assurer qu'ils désiraient jouer ce rôle. Ils acceptèrent tous sans hésiter. Comme l'avait fait Fawcett en son temps, Harry descendit dans l'atrium pour accueillir ses nouveaux subordonnés. Ilena Rastrick arriva un grand sourire aux lèvres et serra la main de son nouveau commandant, visiblement pressé de prendre ses fonctions. Kellyn Flume, le plus jeune des recrues, était visiblement impressionné. Sa main était moite quand il l'attendit à Harry et il semblait avoir du mal à réaliser sa bonne fortune. Althea Saint-Aul, la médicomage, était décontractée et regardait avec curiosité autour d'elle. Le briseur de sorts, Dayo Oloba, semblait un joyeux drille. Il eut le temps de lancer 5 plaisanteries avant qu'ils n'arrivent aux ascenseurs. Le soir, Harry retint Owen qui était revenu de vacances ce matin-là. Il prit des nouvelles d'Héloïse et de leur petite fille qui allait avoir 5 ans 2 semaines plus tard. « Elle se porte à merveille, merci », répondit Owen d'un ton qui n'était pas aussi enjoué qu'il aurait dû l'être. « Et le reste de ta famille ?» pensa à demander Harry. « Ne m'en parle pas. Mes parents sont dans tous leurs états », confia Owen. « Que se passe-t-il ? » « C'est ma sœur !» explosa Owen. « Tu connais la dernière ? Elle attend un enfant !» Harry hocha la tête de son air le plus neutre. À sa connaissance, Shaline Harper n'était pas mariée. Aux dernières nouvelles, elle vivait en Chine et faisait une étude sur les boutefeux chinois. Par ailleurs, la question des naissances était un sujet délicat pour Owen et son épouse Héloïse. Tous deux avaient espéré fonder une famille nombreuse, mais ils avaient eu du mal à concevoir leur fille et ils n'avaient pas eu de second enfant. Harry comprenait que la grossesse de la sœur célibataire d'Owen puisse les perturber. Owen continua, ayant manifestement besoin de se confier. « Elle affirme qu'elle veut l'élever toute seule car elle n'aime pas assez le père pour faire sa vie avec lui. Elle dit qu'il a proposé de donner de l'argent, mais qu'il n'a jamais voulu d'enfant et qu'elle n'a pas le droit de le lui imposer. Elle ne pouvait pas y penser avant. Elle croit que c'est facile de s'occuper d'un gamin, de le suivre toute son enfance et son adolescence. Et de quel droit le prive-t-elle d'un père ? Savez-vous qui c'est ? S'enquit Harry, qui ne jugea pas utile de répondre à la question de principe. « D'après elle, on n'a pas besoin de le connaître puisqu'il n'interviendra plus dans sa vie. » l'informa Owen d'une voix agacée. « À mon avis, il est marié et elle veut éviter un scandale. » « Il est peut-être chinois et a une culture trop différente de la nôtre pour qu'elle veuille faire sa vie avec lui, » supposa Harry. « C'est possible aussi. On le verra vite dans ce cas, » commenta Owen d'un ton pratique. Contrairement au monde moldu, l'apparence ethnique chez les sorciers était assez peu prise en compte. La volonté de ne pas se mêler avec des moldus avait été la plus forte, et pour éviter l'endogamie, les sorciers avaient préféré se marier à l'étranger qu'avec des non-sorciers. Les couleurs de peau étaient donc assez variées dans la communauté sorcière anglaise. Par contre, leur système culturel rigide imposait à tous de se plier aux habitudes magiques du pays. La magie pratiquée en Angleterre était très différente de celle connue en Afrique, en Asie ou en Amérique du Sud. Les immigrés étaient supposés l'abandonner et envoyer leurs enfants à Poudlard pour qu'ils soient instruits dans les règles de l'art. Cela avait été un choc pour certains sorciers de découvrir en visitant le musée de Ginny que cette immigration avait largement enrichi la magie anglaise au cours des siècles. « En tout cas, continua Owen, mes parents ne le prennent pas très bien. Ils m'ont même demandé de lancer une enquête pour savoir qui est ce fichu père. Tu te rends compte ?»« Tu peux leur répondre que ton commandant refuse de t'envoyer en Chine ?» répondit Harry en souriant. « Ouais, je vais leur dire ça, » grogna Owen. « Si ça se trouve, c'est un moldu et elle n'a pas voulu le leur dire. » Ça les ennuierait ? S'enquit Harry, qui avait eu l'impression que la pureté du sang devenait de moins en moins importante, même chez des familles traditionnalistes. « Ça les aurait ennuyés il y a 10 ans, » reconnut Owen. « Maintenant que Chaline a dépassé la trentaine, ils sont prêts à accepter tous les mâles qui accepteraient de lui mettre la bague au doigt. » Harry savait par les confidences de son ami que Chaline avait depuis longtemps affirmé son attirance pour les dragons aux grandes âmes de ses parents. Il n'était pas d'accord pour qu'elle passe sa vie à travailler dans des réserves, travail bien trop dangereux et pas assez féminin à leurs yeux. Elle les avait habilement rassurés en acceptant de continuer ses études en s'inscrivant à une formation de vétérimage tout en prenant, sans leur dire, l'option créature magique. Elle avait ensuite profité de tous les échanges étudiants possibles, ce qui lui avait permis de voyager comme elle le désirait, de faire des stages en contact avec les grands sauriens, tout en gardant la possibilité de faire carrière dans l'enseignement ou la recherche. Toujours selon leur fils, les Harper avaient été déçus qu'elle s'installe si loin, mais elle rentrait régulièrement en porte au loin pour les voir. Owen, formé à détecter les sortilèges de dissimulation, était certain qu'elle cachait régulièrement des brûlures et était davantage en contact avec des dragons qu'elle ne l'avouait. Il n'en avait pas parlé à ses parents, ne voulant pas les inquiéter. La décision de leur fille d'élever seule son enfant les contrariait beaucoup. Harry songea que dans 10 ans, il serait sans doute finalement heureux d'avoir ce petit enfant, même s'il était né hors mariage. Mais il garda ses réflexions pour lui. Il savait qu'Owen souffrait de ne pas avoir donné de descendant mâle à ses parents pour reprendre le nom des Harper. D'ailleurs, si l'enfant de Chaline s'avérait être un petit garçon, serait-ce un soulagement pour son ami ou une blessure morale de plus ? Je suis certain que ta sœur a pensé au bien-être de son enfant et qu'elle a choisi ce qui était, à son avis, la meilleure solution pour lui, assura-t-il pour apaiser son ami. De ce que tu m'as dit d'elle, elle a la tête sur les épaules, non ? Elle se donne les moyens de ses ambitions et n'a pas fait d'erreur manifeste dans sa vie jusqu'à maintenant, n'est-ce pas ? Oui, c'est vrai, reconnut Owen d'une voix plus calme. Je suppose que je vais m'y faire, et mes parents aussi. C'est sa vie, après tout. Cette rentrée-là, non seulement Teddy et Victoire partirent pour Poudlard, mais il y avait aussi Dominique qui entrait en première année. Teddy, qui était désormais en 5e année, avait été nommé préfet de la maison Poufsouffle. Molly avait fait un gâteau spécial pour le féliciter. Andromeda avait été très fière que Teddy reçoive cette distinction, mais Harry savait qu'elle aurait préféré que son petit-fils ait de meilleures notes. Il n'y avait plus que Louis chez Bill et Fleur, et le petit garçon avait du mal à se faire à sa nouvelle solitude. Sur le conseil de Molly, qui était une confidente privilégiée de ses petits-enfants, James, Albus et Rose, qui avaient pratiquement le même âge, furent régulièrement invités le week-end à la chaumière aux coquillages. Ginny avait beaucoup apprécié son été en tant que correspondante sportive de la Gazette du Sorcier et souhaitait continuer dans cette voie. Le journal la félicita pour la qualité de ses reportages et lui proposa un contrat d'un an qu'elle signa après en avoir discuté avec Harry. Elle craignait de devoir encore s'absenter souvent et d'être une mauvaise mère pour Lily qui n'avait que 6 ans et demi et James et Albus qui avaient respectivement atteint 8 et 9 ans. Mais Harry lui assura qu'il s'arrangerait pour rentrer tôt si elle devait voyager et en cas d'impossibilité, il y aurait toujours Molly à appeler à la rescousse. Le mandat de Ron expira durant le mois d'octobre. Le plus jeune des frères Weasley fut renouvelé dans ses fonctions de maître de guilde pratiquement sans débat, tant son exercice du pouvoir faisait consensus. L'automne passa à grande vitesse et les vacances de Noël arrivèrent rapidement. Les étudiants revinrent de Poudlard. Dominique était enchanté de ses débuts à l'école de magie. Son intégration dans la maison de Poufsouffle s'était bien passée. Le filleul de Harry, qui se considérait manifestement responsable des jeunes de la famille, l'avait aidé à se familiariser rapidement avec le château et ses habitants. Deux jours après leur retour, en fin de journée, Harry terminait de relire un dossier qui devait être présenté au Magène Mago à la première heure le lendemain. Anthony Goldstein frappa à la porte de son bureau. « J'ai un jeune homme qui affirme avoir des informations à nous transmettre sur un meurtre, mais qui ne veut en parler qu'à toi, commandant. » Harry hésita. Stanislas était déjà parti et il n'avait pas envie de rentrer trop tard car Andromeda et Teddy étaient invités pour le dîner. Il songea à confier le visiteur à Anthony qui était de garde cette nuit-là. Mais quand un témoin se déplaçait, c'était généralement pour donner des informations sérieuses, ce qui était plus rarement le cas avec les lettres anonymes. « D'accord, » soupira-t-il. Anthony se décala et laissa passer un jeune homme de 16 ou 17 ans. Il parut familier à Harry, qui pourtant ne put mettre un nom sur ce visage. Il l'invita à s'asseoir devant lui. « Prenez place, Mister Grimston, » répondit l'adolescent comme s'il lançait un défi. « Benjamin Grimston. » Harry réprima un sursaut. Cette affaire datait de près d'une décennie, mais les visions auxquelles il avait été confronté l'avaient poursuivi des années durant. Il tenta cependant de rester impassible. « Êtes-vous réellement venu témoigner sur un meurtre ? » demanda-t-il calmement. Le jeune homme secoua négativement la tête en silence avant de se lancer. « J'ai 17 ans. Je suis majeur maintenant. Je veux savoir pourquoi on m'a retiré à la garde de mes parents. » Le silence retomba entre eux, pendant que Harry se demandait comment il allait pouvoir répondre. « Je suppose que vous avez un tuteur ?» avança-t-il finalement. « Vous n'en avez pas parlé avec lui ?»« Il me dit qu'il n'y a rien à raconter, que c'était mieux pour moi et que c'est une raison suffisante, » rapporta Benjamin avec agacement. « Mais j'ai le droit de savoir, je suis majeur maintenant. »« Je comprends que vous vous posiez des questions, » fit Harry avec douceur. « Mais vous allez vous rendre compte très vite qu'il est rare que les réponses vous apportent la paix. En général, elles ne font qu'amener d'autres questions auxquelles il est encore plus difficile de trouver la réponse. » Le mélange de colère et d'exaspération que l'aurore lut dans le regard de son vis-à-vis lui rappela une scène dans le bureau dévasté du directeur de Poudlard. Il se retrouva partagé entre le désir d'apporter un peu de sérénité à ce jeune homme et celui de le protéger d'une réalité difficile. Puis il prit sa décision. Ce que Dumbledore lui avait volontairement caché lui avait fait mal, aussi. « D'accord, je vais te dire ce que je sais », concéda-t-il sans se rendre compte qu'il venait de passer au tutoiement. « Après tout, la plupart des faits peuvent se trouver dans les journaux de l'époque. Tu n'as pas pensé à regarder ?»« Dans les journaux ?» s'étonna Benjamin. « C'était si grave ?» Le fait que je sois intervenu dans cette affaire lui a donné un éclairage supplémentaire, expliqua Harry. « Je te préviens quand même. Même moi, je n'ai pas tous les éléments que tu attends et tu dois te préparer à repartir d'ici sans être satisfait. » L'expression du jeune homme s'apaisa, même si la méfiance était toujours là. « C'était il y a une dizaine d'années, en 2004 je crois, » commença Harry. « Nous avons été appelés par Sainte-Mangouste. On t'avait amené en indiquant que tu étais tombé dans un buisson de griffes-tout, mais tes blessures, dont tu dois encore avoir les marques, avait alerté le médicomage qui s'est occupé de toi. J'ai formellement reconnu un sort noir. Un impardonnable ? Demanda le jeune homme. Non, pas un impardonnable. Le problème, continua Harry, c'est que pour te soigner, on avait dû effacer les traces de magie et que nous n'avions aucun indice pour déterminer qui t'avait fait ça. Par contre, il nous a paru évident qu'on ne pouvait pas te rendre à tes parents, qui avaient manifestement menti sur ce qui t'était arrivé. Il y a donc eu un procès, au cours duquel nous avons prouvé que tu avais été blessé par un sort noir et qu'il était préférable que tu changes de foyer. Chez qui es-tu allé ? S'enquit-il. Chez un cousin de mon père. Sa femme et lui ont deux autres enfants. Ils se sont bien occupés de toi ? Oui, affirma Benjamin d'une voix tranquille. Mais j'ai besoin de savoir quand même. Je comprends, assura Harry. C'est insupportable de se dire que les autres en savent davantage sur un sujet qui vous touche de près. Benjamin hocha la tête, visiblement satisfait de la compréhension dont faisait preuve Harry. Mais cela n'était manifestement pas suffisant. Qui m'avait envoyé ce sort ? Insista-t-il. Mon père ? Ma mère ? Harry repensa à la discussion qu'il avait eue avec leur avocat, Saint John Bielinski, quelques mois après le jugement. « Nous avions des présomptions contre eux, » indiqua-t-il prudemment. « Mais nous n'avons jamais trouvé aucune preuve. La seule chose dont nous étions certains, c'est qu'ils avaient menti, soit pour se protéger eux-mêmes, soit pour protéger quelqu'un d'autre. C'est pour cette raison qu'ils ont été déchus du droit de t'élever, mais aucune peine n'a été prononcée contre eux. »« Mais pourquoi ont-ils fait ça ? Qu'avais-je fait pour mériter un pareil traitement ?» s'écria le jeune homme, dont le visage reflétait désormais le désarroi. « Rien ne justifie de faire subir un tel sortilège à un enfant, » assura Harry. « Personne n'avait le droit de te faire ça. » Benjamin abaissa le regard vers ses mains qu'il tordait avec nervosité. « Je t'avais prévenu que mes réponses amèneraient des questions supplémentaires, » rappela doucement Harry. « J'aurais tellement voulu savoir ce qu'il s'était réellement passé, » murmura-t-il. « En fait, tu connais la vérité, » rappela Harry. « Tu avais 7 ans. » Tu étais assez grand pour savoir qui te lançait des sorts et dans quelles circonstances. Tu ne t'en souviens pas ? Le jeune homme secoua la tête d'un air découragé. Eh bien, je pense qu'au fond de toi, tu sais que tu vivras mieux sans le savoir, décréta Harry. Parfois, la certitude est plus douloureuse que la connaissance. Benjamin émit une sorte de grognement. Par contre, je me demande si tu as posé les bonnes questions, continua Harry. Son interlocuteur leva les yeux vers lui. « Ce que tu veux savoir, c'est si ce qui s'est passé autrefois va avoir un impact sur ta vie future ?» développa le chef des Aurores. « Ma réponse est que c'est à toi de faire en sorte que non. Tu as été maltraité, tes parents ont eu de grands torts envers toi, c'est un fait. Mais cela ne t'empêchera pas de devenir quelqu'un de bien. » C'est ce que dit mon père adoptif. Que le passé est derrière, ce qui compte, c'est le présent et le futur. Mais ce n'est pas comme ça que je le sens, moi. Il est là, le passé, et j'ai besoin de le connaître pour me connaître, moi. Sur ce point, tu as raison. Le passé remontera à des moments où tu ne t'y attendras pas, le prévint Harry. Parfois, tu ne comprendras pas pourquoi tu agis bizarrement ou pourquoi une situation t'est insupportable. Mais cela se surmonte quand on a suffisamment de projets à mener et de personnes aimantes autour de soi pour passer outre. Benjamin n'avait pas l'air convaincu. Je ne dis pas ça pour minimiser ce qui t'est arrivé, assura Harry, mais parce que je l'ai vécu et que je ne m'en tire pas si mal. Vous avez été maltraité par vos parents ? Vérifia le jeune homme d'un ton incrédule. Par ceux qui m'ont élevé après leur mort, corrigea Harry, comprenant qu'il ne pouvait faire l'économie de cette vérité. Je n'ai pas été battu, c'est vrai, mais pendant 10 ans, je n'ai été aimé de personne. J'ai été traité comme un pestiféré et parfois enfermé pour des fautes que je n'avais pas commises. Puis je suis allée à Poudlard, j'ai eu des amis, j'ai rencontré une famille qui a fait de son mieux pour que je me sente entourée et aimée. Cela n'a jamais remplacé mes parents décédés, ni effacé ce que j'ai vécu. Mais c'était déjà énorme. Aujourd'hui, je suis heureux avec mon épouse et mes enfants. C'est la seule chose qui compte. Il y eut un long silence que Harry respecta. Benjamin finit par dénouer ses mains agrippées l'une à l'autre et les essuya sur sa robe. Il se leva et dit d'un ton penaud « Je suis désolé d'être venu vous ennuyer avec mes problèmes, monsieur Potter. Merci de m'avoir reçu. » « Ce n'est rien, » assura Harry en se levant pour le raccompagner. Tu peux revenir quand tu veux, si tu as une question à poser ou juste besoin de conseils. Ça fait du bien parfois de discuter avec un inconnu. En échange, je te demande la discrétion sur ce que je t'ai révélé. Mon enfance ne regarde personne et je ne veux pas la retrouver dans les journaux. » L'adolescent hocha solennellement la tête, puis s'avança vers la porte. Il s'arrêta brusquement avant d'en franchir le seuil et demanda sans se retourner. « Ceux qui vous ont maltraité, vous leur avez pardonné ?» Harry eut besoin de quelques secondes pour pouvoir répondre. « J'ai pardonné à mon cousin, car il a réellement regretté son attitude de l'époque et qu'il était sous l'influence de ses parents. Par contre, mon oncle et ma tante n'ont jamais manifesté le moindre remords, et je pense leur en vouloir encore aujourd'hui. Mais je n'ai aucun désir de vengeance. Ne pas les voir me suffit. Ils ne font plus partie de ma vie. » Le jeune homme hocha la tête et partit sans un mot de plus. Harry se laissa retomber dans son fauteuil, se demandant si Vernon et Pétunia lui étaient aussi indifférents qu'il l'avait prétendu. Il s'inquiétait aussi pour le jeune Grimstone. Avait-il réussi à lui dire ce qu'il avait besoin d'entendre ? Était-il assez mûr pour comprendre ce que Harry avait tenté de lui transmettre ? Ses pensées revinrent une fois de plus à Dumbledore. Il mesura les doutes que le directeur avait dû éprouver alors que le temps était compté et que le survivant était encore bien jeune pour recevoir son enseignement. Il y avait tant de choses à lui faire comprendre. Il lui fallut de longues minutes avant de pouvoir se replonger dans son dossier. Le rapport des sorciers avec les étrangers est plus proche de la position française, les arrivants doivent abandonner complètement leur culture, que de la position anglo-saxonne. Tant qu'ils paient des impôts et ne menacent pas l'ordre public, les étrangers peuvent vivre en ghetto selon leurs coutumes. J'ai adopté cette vision, bien qu'on soit en Angleterre, car sinon cela aurait été en totale contradiction avec le canon qui montre des sorciers d'origine ethnique variée, les Patil, Cho, Angelina, évoluant dans une société sorcière très refermée sur sa magie. Décret contre les tapis volants, aucune allusion aux magies non occidentales. J'ai cependant glissé l'idée qu'il y avait davantage de magie non occidentale dans les pratiques que ne le pensent les sorciers britanniques, car j'estime impossible qu'un peuple ouvert à l'immigration ne profite d'aucun enrichissement culturel.